À demain. Et si notre système solaire avait compté une planète géante de plus, c'est l'une des options envisagées pour expliquer le mouvement et la place des planètes autour de notre Soleil, une cinquième géante gazeuse qui aurait été expulsée par Jupiter et qui errait aujourd'hui dans un monde inconnu. Ces planètes dites errantes, flottantes ou vagabondes sont une réalité, elles sont nombreuses, on les a même suspectées d'être la source d'une partie de la masse manquante de l'univers. Elles peuvent être des planètes éjectées ou des étoiles qui ne se sont pas vraiment allumées. Alors qui sont-elles? D'où viennent-elles? Et où vont-elles? Planète errante, recherche système, c'est le problème que nous allons tenter de localiser dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ces vagabondages interstellaires, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Delorme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Et bonjour Philippe Hénaré-Ross. Bonjour. Rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, auteur tout récemment d'un livre consacré aux missions Apollo. Ils ont marché sur la Lune, c'est aux éditions Belin. Belin. On en reparlera très rapidement dans l'émission. Vous pouvez suivre comme d'habitude l'émission en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur franceculture.fr et en podcast sur votre application favorite et comme toujours en complément via notre fil Twitter sur lequel nous sommes en direct chaque jour en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors pour commencer, on va peut-être se mettre d'accord sur la terminologie, Philippe Delorme. On parle de planètes errantes, flottantes, vagabondes, tout ça, ça définit la même réalité? Alors les planètes errantes en soi, c'est un paradoxe parce qu'une planète par définition, ça tourne autour d'une étoile. Donc quand on trouve une planète qui n'a pas d'étoile, c'est un peu dur de lui donner un nom. Et planète errante, c'est un peu un mot actuel. Maintenant, la terminologie scientifique correcte, c'est objet de masse planétaire isolée. Objet de masse planétaire isolée parce que, Philippe Hénaré-Ross, on parle là aussi d'une réalité différente. C'est-à-dire que tous ces objets ne sont pas les mêmes, ne sont pas à proprement parler des planètes. C'est-à-dire que ce que les astronomes voient avec leur télescope depuis pas très longtemps, depuis le début des années 2000 en gros, ce sont des petits points plutôt en lumière infrarouge parce que ce sont des corps qui émettent un petit peu de chaleur, donc c'est des corps extrêmement faibles et sous ces corps-là, ça peut regrouper plusieurs réalités. Il peut s'agir d'étoiles ratées qu'on appelle les naines brunes, c'est-à-dire des objets qui se seraient formés comme des étoiles par effondrement d'une nébuleuse et qui, au lieu de s'allumer, de faire de la lumière sous l'effet de réaction de fusion thermonucléaire, n'auraient pas acquis la masse suffisante pour cela et n'auraient pas brillé vraiment et se refroidiraient tranquillement. Mais ça peut être aussi des planètes, comme vous le disiez en introduction, qui auraient été formées comme ce qu'on croit être la réalité de Jupiter et de Saturne, par exemple, c'est-à-dire dans un disque de poussière et de gaz autour d'une étoile et qui auraient été éjectées et qui se retrouveraient comme ça en train d'errer dans l'espace interstellaire. Alors, vous l'avez dit à l'instant, hein, c'est assez récent qu'on ait découvert ces objets. Et pour cause, ils ne sont pas proches d'une étoile, donc ils sont difficiles à observer, à isoler, à identifier. Philippe Delorme ? Ben, vu qu'ils n'ont pas de réaction de fusion nucléaire en leur cœur, ce sont des objets qui se refroidissent doucement et qui sont assez froids. Et en fait, plus un objet est chaud, plus il est lumineux. Les étoiles sont très lumineuses et le Soleil, par exemple, a une température de 6000 degrés Kelvin à peu près. Là, on parle d'objets, les planètes flottantes, qui sont quand même chauds par rapport à la Terre, qui ont plusieurs centaines de degrés Kelvin, 1000, 2000 pour les plus jeunes et les plus massifs. Mais c'est quand même beaucoup, beaucoup moins lumineux que les étoiles. C'est pour ça qu'on les a découverts relativement récemment, effectivement, dans l'infrarouge. Et quelle est la première que l'on ait découverte? Comment est-ce qu'on est tombé dessus? Parce que je pensais, en préparant cette émission, à une autre émission qu'on avait faite sur la fameuse planète X, cette neuvième planète qui errait très loin aux confins de notre système solaire, qu'on n'arrive pas à voir. Et alors, ces planètes qui ne sont pas autour d'une étoile, donc on ne peut pas voir par effet de l'antigravitationnel ou en passant devant son étoile, comment est-ce qu'on les trouve? Comment est-ce qu'on tombe dessus? Alors, les premières planètes errantes qui ont été, dont on a discuté, on va dire, parce que leur statut est difficile à clarifier, c'est des objets qui ont été trouvés dans le cadre de recherches de naines brunes, donc de ces étoiles ratées, qui ont des atmosphères très similaires à celles des planètes géantes, mais qui sont plus massives et un peu plus chaudes. Et c'est assez dur de savoir quand est-ce qu'a été découverte la première planète errante, parce que vu que les planètes errantes ou les naines brunes sont des objets qui se refroidissent au cours du temps, on a un objet très massif et très vieux va avoir la même température et donc une couleur, une luminosité, une apparence, un spectre aussi similaire à un objet beaucoup moins massif et plus jeune, vu qu'ils se refroidissent au cours du temps. Donc on a découvert des naines brunes assez froides, peut-être assez jeunes, et certaines d'entre elles sont peut-être des planètes errantes, mais tant qu'on n'a pas fixé leur âge, on n'est pas sûr de leur nature. Et donc c'est les premières contraintes d'âge sur ces objets qui ont permis de parler vraiment des premières planètes flottantes. Quand on dit planète errante ou planète flottante, on imagine un peu à la manière d'Ulysse 31 qui erre dans un monde inconnu, etc., qu'elles vont nulle part, mais en fait elles ont quand même des trajectoires qui sont des trajectoires que l'on peut calculer, qui sont liées tout de même à leur situation dans une galaxie, Philippe Benarrivos. Alors, elles sont dans notre galaxie, la Voie lactée. En gros, pour faire simple, c'est un gros disque de poussière qui fait en gros 100 000 années-lumière de diamètre, avec un centre qui est bien rempli en étoiles. Nous, on est un peu à mi-chemin entre le centre et le bord. Le Soleil, comme toutes les autres étoiles, grosso modo, tourne autour de ça. Il met 250 millions d'années à faire un tour, à peu près, ce qu'on estime. Et donc, quelle que soit leur trajectoire, ça s'échange un peu entre le bord et le milieu, etc. Mais tout ça tourne gentiment autour du centre de la galaxie, dans le même disque. Donc, quelle que soit leur trajectoire, elles sont quand même, elles sont pas très rebelles. Elles tournent un peu dans le même sens que tout le monde. C'est ça. Elles ont pas une trajectoire erratique. Elles passeraient pas au milieu d'un système. Alors, ça peut arriver. D'un système à l'autre, oui, ça peut arriver. Mais tout ça, c'est très local finalement. Peut-être, combien en a-t-on recensé aujourd'hui, Philippe Delorme ? Est-ce qu'on a un nombre ? Est-ce qu'on a aujourd'hui un pool de planètes flottantes, errantes, qu'on connaît, qui sont localisées, identifiées ? Alors, dans la mesure où la plupart des objets, on ne connaît pas leur âge, déterminer leur âge, c'est très difficile, c'est très dur d'avoir un nombre. On sait qu'il y en a plusieurs dizaines, peut-être même plusieurs centaines, selon l'âge moyen des naines brunes observées dans le voisinage solaire. Il se peut qu'une grande partie des naines brunes ait en fait une masse de planètes. Mais on sait qu'il y en a, on sait qu'il y en a beaucoup, mais leur nombre n'est pas très précis. Sur les projections, ça va vraiment effectivement d'une poignée à, au contraire, des centaines et des centaines de milliers. Philippe Hénaréros, on est complètement... Voilà, l'éventail est très très large, quoi. J'ai l'impression, comme ça, d'après ce que j'ai lu au fil des dernières années sur la question, que elles sont de toute façon très très très nombreuses. Ne serait-ce que les mécanismes d'éjection de planètes dans des systèmes en formation. Je crois que l'estimation, c'est en gros un tiers des planètes se retrouvent éjectées. Donc vous voyez, si vous formez quand même des milliards de planètes, ça fait quand même des milliards de planètes errantes aussi à l'arrivée, quoi. On s'est intéressé beaucoup à ces naines brunes et à ces planètes errantes parce qu'il y a un moment donné où on s'est dit, mais tiens, il nous manque de la masse dans l'univers, peut-être que cette masse serait celle de ces objets de masse planétaire, voilà, je cherchais la terminologie, qui seraient finalement tellement nombreux et si peu lumineux qu'on ne les voit pas, et ça pourrait être un potentiel candidat. Ça a été complètement écarté, ça, Philippe Delorme ? Oui, ça a été complètement écarté. C'était une hypothèse qui était très intéressante au début des années 2000, quand on a commencé à en trouver. Et dans le cadre des naines brunes, qui donc sont plus massives que les planètes errantes, il aurait fallu beaucoup plus de naines brunes que d'étoiles pour en trouver. Or, actuellement, les statistiques sur les naines brunes, donc des objets qui ont entre 13 et 75 fois la masse de Jupiter, on va dire, donc plus petit qu'un dixième de fois le Soleil, donc c'est vraiment petit pour une étoile et gros pour une planète, c'est vraiment intermédiaire, il y en a à peu près une naine brune pour 5 étoiles. Donc il y en a moins que d'étoiles. Et ça ne suffit pas du tout pour expliquer la masse manquante. Quels sont aujourd'hui, parce que c'est assez surprenant, parce que en général la cosmologie, l'astrophysique sont des sciences dans lesquelles on aime bien identifier, répertorier les différents types d'objets. Or là, sous cette appellation objet de masse planétaire, on met finalement dans le même sac deux types d'objets qui sont relativement différents. Ou est-ce que c'est précisément parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus un continuum entre ce qu'est une étoile et ce qu'est une planète, Philippe Hénaré-Ross? C'est tout ça à la fois, parce que c'est compliqué. Disons, le critère numéro un dans cette histoire, finalement, c'est la masse. On parle d'objets de masse planétaire, objets qui ont à peu près la masse de planète, un peu plus, en fait, puisque c'est plus gros que Jupiter, quand même, la plupart, mais un peu moins qu'une étoile, donc on est là. Alors, la question a été souvent, pour essayer quand même d'avoir une typologie à peu près correcte, de savoir de quoi on parle, la question a été quel est leur mode de formation, leur origine. En gros, on disait, les planètes se forment déjà autour d'étoiles constituées, à partir des poussières et du gaz, dans le disque, etc. Bon, comme la Terre, comme Jupiter, etc. Voilà. Mais les étoiles, par contre, se forment par effondrement d'un grand nuage de gaz, et ça se fragmente, et ça forme des objets de toute taille. Donc, des étoiles, il y en a des immenses, et il y en a des toutes petites, et quasiment de masse planétaire. Donc, on a ces deux choses-là. La difficulté, c'est comment discriminer les deux. Avec l'état actuel de nos technologies, des télescopes, on voit des points. On arrive dans certains cas à faire des spectres parce que soit ces objets sont assez brillants, donc massifs, peut-être un peu lointains. C'est les premiers qu'on a trouvés. Je crois que ceux qu'on a identifiés en premier se trouvaient à quelques 1500 années-lumière dans un nuage qui se trouve auprès d'Orion, de la nébuleuse d'Orion. Ça a été les premiers candidats. Et plus récemment, en 2013, je crois, on en a trouvé un qui était à 7 années-lumière et demie, pas très loin de chez nous, mais qui était beaucoup plus froid, etc. Mais quand vous regardez les deux, comme on le disait tout à l'heure, pas moyen de savoir quel est leur mode de formation. Alors à ceci près que cette année, il y a quand même eu une observation intéressante qui a été faite sur un autre objet dont je vous passerai le nom parce qu'il est quand même assez barbare. Les noms sont toujours... En fait, c'est pas un nom, c'est un matricule. Ouais, là, c'est 2 masses, 0249C. Voilà. C'est un objet, c'est donc soit une naine brune, soit une planète géante comme ça, dont on a réussi à faire le spectre, à voir un peu de sa composition, en tout cas les prémices de sa composition, et qui a le même spectre qu'une planète qui, elle, est bien connue autour d'une autre étoile qui s'appelle Beta Pictoris B, première planète autour de l'étoile Beta Pictoris, qui se trouve à quelques 50 années-lumière d'ici. Et on sait par ailleurs que cette naine brune qui se balade, alors elle est reliée à une autre naine brune, mais c'est très très loin, donc on peut imaginer qu'elle s'est formée comme une étoile, eh bien elle se balade selon la même vitesse et la même direction que le système de Beta Pictoris, donc on sait qu'elles viennent du même endroit. Tout ça sont des corps jeunes, Bétapique et ce candidat sont très jeunes. C'est jeune, c'est-à-dire quelques dizaines, centaines de millions d'années. C'est 20 millions d'années à peu près l'âge de Bétapique. C'est très très très récent. On va rappeler que notre système à nous a 4 milliards et demi d'années, le système solaire. Voilà. Donc 20 millions, c'est très très jeune. Exactement. Et en regardant le spectre de ces deux-là, on voit que c'est les mêmes. Donc on a visiblement d'un côté un astre de masse planétaire qui s'est formé comme une étoile, et de l'autre côté un astre de masse planétaire qui s'est formé comme une planète, et les deux se ressemblent comme des jumelles. Alors c'est que le début, il va falloir quand même continuer à investiguer, mais on a déjà un indice, c'est que des formations différentes arrivent à des objets à peu près similaires. Philippe Delorme. Donc effectivement, nous, ce qu'on observe, c'est juste des points lumineux. On mesure le flux lumineux. On a des objets brillants, on extrait un spectre. Et donc ce sont des planètes géantes avec une atmosphère. Grâce au spectre, on peut étudier les molécules présentes dans ces atmosphères. Une thématique qui est très chaude actuellement en astrophysique, c'est la caractérisation des atmosphères d'exoplanètes. On commence à en faire avec les atmosphères de planètes géantes. Et il se trouve que les planètes errantes, qui ont la même température et les mêmes types d'atmosphères, elles sont tellement proches des planètes réelles, autour d'étoiles, des planètes qui orbitent vraiment autour d'étoiles, qu'en fait, c'est d'excellents prototypes pour étudier les atmosphères planétaires sans être embêté par l'éclat de l'étoile. Dès qu'on étudie une planète, il y a son étoile qui est beaucoup, beaucoup plus brillante, qui est très proche. Donc, c'est très dur d'en extraire un spectre. Avec les planètes errantes, on a des objets très similaires. Et on peut les étudier en détail en spectro. Mais même avec le niveau de précision qu'on a actuellement, on n'est pas capable de savoir si elles auraient ce petit enrichissement en éléments lourds qui serait la signe qu'elle se serait formée dans un disque autour d'une étoile. Et ce sera l'objet du reportage tout à l'heure sur précisément l'étude de l'atmosphère de l'une de ces planètes errantes. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons des planètes errantes, flottantes ou vagabondes, des objets de masse planétaire pour utiliser la terminologie idoine. Nous en parlons tout au long de cette heure avec Philippe Delorme et Philippe Hénaréros. Alors on a dit qu'il y a deux grands types, on va les examiner, on va essayer de comprendre justement leurs points communs, leurs différences, comment ces objets peuvent se former et ce qui va les relier l'un à l'autre. La première option, c'est celle de la naine brune. Alors peut-être qu'on peut essayer d'expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce qu'à un moment donné, une étoile échoue à s'allumer en quelque sorte. Philippe Delorme. Donc les étoiles se forment par effondrement d'un nuage de gaz suite à l'action de la force gravitationnelle. Donc la force gravitationnelle, c'est ce qui nous fait tomber sur Terre, hein, ce qui fait tomber les pommes et nous aussi. Mm-hmm. Et elle est proportionnelle à la masse. Donc plus il y a de masse, plus ça attire. Donc ça a tendance à faire que les masses s'agglomèrent. Après, il y a quelque chose qu'on connaît assez bien, c'est la pression. Quand on tend à rassembler du gaz, ça augmente la pression comme un ballon. Si on appuie dessus, il y a une force qui, au contraire, tend à le faire se disperser. Et donc, une étoile se forme lorsque, dans un de ces nuages, il y a une perturbation qui fait qu'il y a un grumeau qui est un peu plus massif, donc qui attire un peu plus. Donc, il y a de la masse qui va tomber dessus. Et les conditions de température et de pression sont telles que la force qui va faire empêcher le gaz de tomber ne va pas arrêter l'effondrement. Et une fois qu'il y a de plus en plus de masse, il y a de plus en plus d'attraction, donc il y a de plus en plus de masse. Et il y a ce qu'on appelle un effondrement gravitationnel et formation d'une étoile. Mais quand le réservoir de masse n'est pas très grand, ou bien que l'accrétion est interrompue parce que le nuage de gaz a été perturbé par une autre étoile voisine, par exemple, eh bien, il peut y avoir très peu de masse, enfin, peu de masse, pas assez de masse pour faire une étoile. Pas assez de masse pour faire une étoile, ça veut dire pas assez de masse pour que la pression et la température au cœur de l'objet soient suffisantes pour forcer les atomes d'hydrogène entre eux et déclencher la fusion thermonucléaire qui est la source d'énergie d'une étoile. Une étoile, c'est un objet qui fait de la fusion thermonucléaire de l'hydrogène et qui brille avec cette source d'énergie. Les naines brunes n'en font pas. Et il y a des effets de seuil, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les connaît exactement, ils sont identifiés. Donc, la frontière entre naine brune et étoile est assez précisément définie. C'est autour de 72 masses de Jupiter, avec de petites variables, mais c'est 72 masses de Jupiter. Au-dessus, l'essentiel de l'énergie est fourni par la fusion de l'hydrogène. En dessous, l'essentiel de l'énergie de l'objet vient de la contraction gravitationnelle, donc de l'énergie de chute libre de ce nuage initial. Et donc, on a une chaleur initiale qui peut atteindre plusieurs milliers de degrés au début et qui va se refroidir au cours des millions d'années et des milliards d'années. Et du coup, si cette étoile ne s'allume pas, ça veut dire qu'en général, le disque de matière qui peut y avoir autour, qui normalement va constituer un système, eh bien, n'est pas suffisamment accrété, il n'y a pas suffisamment de force gravitationnelle pour pouvoir emporter et aller vers un système de planétogénèse, Philippe Hénaréros ? Pas forcément. C'est-à-dire que si vous avez une étoile avortée, elle va avoir quand même autour de la matière qui, de toute façon, ne va pas être aspirée par le corps central et qui va avoir un mouvement au départ qui va faire que ça va se retrouver dans un disque. C'est comme ça, au bout d'un moment, quand tout tourne en tous les sens, il y a un plan préférentiel qui se dégage et tout ça forme un disque. Il y a du gaz et il y a de la poussière qui se forme et ces poussières commencent à s'agglomérer entre elles. Donc il peut très bien y avoir des objets, des planètes, des astéroïdes, des choses comme ça autour de naines brunes qui sont malgré tout des étoiles ratées. Et ça, des systèmes planétaires, ça doit être quasiment impossible à observer, les systèmes planétaires autour d'une naine brune, puisqu'il n'y a quasiment pas de lumière renvoyée, donc c'est plus compliqué. Ça peut exister ? Ça dépend. Déjà, ça a déjà été observé des disques en train de former des planètes autour de naines brunes. Par contre, on n'a pas observé les planètes. On a vu des signes qu'il y a des poussières qui sont en collision avec les radiotélescopes du Chili. Au contraire, la première planète, entre guillemets, dont on a fait une photo en 2004, d'ailleurs par un astronome de Grenoble, c'est un objet de 5 masses de Jupiter qui a été observé en orbite autour d'une naine brune de 25 masses de Jupiter. Et c'est quelque chose, on ne s'attendait pas à le trouver. Mais par contre, c'était beaucoup plus facile à observer qu'autour d'une étoile parce que le contraste, la différence de luminosité entre une naine brune et une planète massive est faible. Là où une étoile serait un million ou un milliard de fois plus lumineuse que la planète, la naine brune va être 100 fois plus lumineuse que la planète et ça va être assez facile de distinguer l'une à côté de l'autre. Mmh. Toutes les naines brunes ne sont pas pour autant des objets de masse planétaire ou des planètes errantes. Alors, toutes les... Est-ce que toutes les naines brunes sont considérées comme des objets de masse planétaire ? Les naines brunes, c'est à partir de 13 fois la masse de Jupiter. Mmh. Donc, tout ce qui est en dessous de 13 fois la masse de Jupiter, ce sont clairement des planètes, en termes de masse. Parce que si on se réfère à la définition initiale, effectivement, il faut que quand même ces objets-là tournent autour d'une étoile. Donc là, on voit que ce n'est pas le cas. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que ce qui est important pour ces planètes errantes, c'est de pouvoir identifier leur âge, notamment leur âge et leur masse, parce que ça va donner, justement, ça va pouvoir permettre de discriminer entre l'un ou l'autre modèle. Quels sont aujourd'hui les outils qui permettent de déterminer ou la masse ou l'âge de ces objets, Philippe Delorme ? Alors, ce qu'on observe de ces objets, c'est une luminosité et un spectre. Ça va nous donner, en gros, accès à la température de l'atmosphère. Cette température, elle va être liée à la masse et à l'âge. Comme je vous ai dit, un gros objet vieux peut avoir la même température et la même luminosité qu'un petit objet jeune. Donc, on ne peut pas mesurer la masse directement des objets. Par contre, on peut essayer, c'est assez dur, d'avoir des contraintes sur l'âge de ces systèmes. Et la contrainte la plus commune qu'on a, c'est justement ces associations d'étoiles jeunes qui partagent dans le ciel une trajectoire commune autour du centre de la galaxie. Et dans ces associations, il y a des étoiles normales, entre guillemets, dont on est capable de mesurer relativement précisément l'âge. Par exemple, Beta Pictoris, c'est une étoile assez célèbre autour de laquelle il y a une planète et qui fait partie d'une de ces associations jeunes. D'ailleurs, le nom de l'association, c'est Beta Pictoris Moving Group, le groupe mouvant de Beta Pictoris. Beta Pictoris. Mm-hmm. Et grâce à toutes les étoiles de cette association, on sait que l'âge est à peu près une vingtaine de millions d'années. Ce qui est une contrainte bien meilleure qu'on ne sait pas entre 1 et 10 milliards d'années, ce qui est le cas pour tous les autres objets, sachant que ça change considérablement le flux lumineux et ainsi de suite. Donc on essaie de repérer le mouvement apparent des naines brunes ou des planètes flottantes dans le ciel et de les relier à des associations jeunes, voir si jamais elles partagent le même mouvement. Le problème qu'il y a pour ça, pour lier une planète à une association, ou une étoile à une association, c'est qu'on mesure un mouvement apparent sur le ciel. Mmh. Et on ne connaît pas la distance de l'objet a priori. Et comme par exemple un avion qui est très loin peut sembler se déplacer lentement, alors qu'en fait il va à 1000 km/h, et que la voiture qui passe à côté à 30 km/h va donner l'impression de vitesse beaucoup plus grande, si on ne connaît pas la distance d'un objet, si on regarde juste son mouvement apparent, on ne connaît pas son mouvement réel. Donc on ne peut pas l'associer précisément à une association jeune. Donc si on veut connaître l'âge d'un objet, il faut pouvoir l'associer à un groupe dont on connaît déjà l'âge. Et pour ça, il faut connaître son déplacement apparent, sa distance relativement précise et aussi sa vitesse radiale, donc sa vitesse rapprochement ou éloignement de nous. Philippe Benaréros. Oui, ce qu'on voit, c'est que finalement, ce sont des faisceaux d'indices. On essaye d'avoir des informations de différentes sources pour reconstituer une sorte d'enquête pour arriver à l'âge et à la masse de ces objets. Parce qu'effectivement, il faut connaître des fondamentaux, la distance, le mouvement exact. On peut le voir de manière latérale, mais est-ce qu'elle s'approche de nous ? Est-ce qu'elle s'en va ? Toutes ces choses-là. Donc, il faut aussi avoir après la température, la composition. Et ça, surtout pour des objets aussi peu brillants, ça requiert, a priori, quand même des télescopes qui sont capables de collecter beaucoup de lumière, donc des télescopes de plus en plus gros ou des détecteurs de plus en plus sensibles, ou les deux. Mmh. Et de préférence des télescopes dans l'espace pour éviter d'avoir l'atmosphère entre nous et ces objets qui absorbent une partie du rayonnement infrarouge. L'autre option peut-être qu'on peut examiner, c'est celle de la planète éjectée. Alors la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'une planète peut être éjectée d'un système solaire, c'est-à-dire échapper à l'attraction gravitationnelle de son étoile ? C'est des forces très très puissantes à l'œuvre, Philippe Delorme. Alors, pour que des objets soient éjectés, il faut qu'il n'y ait pas juste une étoile et une planète, mais plusieurs acteurs là-dedans. C'est vraiment un jeu de billard gravitationnel avec les forces gravitationnelles de l'étoile et des autres planètes. C'est l'étoile qui domine, voire les étoiles quand c'est un système binaire. Mais les planètes, si elles se rapprochent suffisamment, vu que l'attraction gravitationnelle dépend de la distance, même du carré de la distance, si elles se rapprochent, ça peut faire des perturbations très fortes qui peuvent éjecter ces planètes. Par contre, ce qui se passe dans quasiment tous les cas d'interaction, c'est que c'est la planète la plus légère qui est éjectée. Or, les planètes errantes qu'on observe sont des objets qui font plusieurs fois la masse de Jupiter. Ce qui veut dire que pour les éjecter, il faut soit qu'il y ait des planètes encore plus massives, et ça on sait qu'elles sont très rares, qu'elles aient été éjectées par une étoile, donc dans un système multiple. Donc, éjecter des planètes comme la Terre, en quelque sorte, c'est relativement facile. Par contre, éjecter des géantes de plusieurs fois la masse de Jupiter, c'est quelque chose qui est un vrai challenge. On sait que ces éjections, a priori, se passent toujours plutôt dans la genèse de ces systèmes solaires, de ces systèmes planétaires. C'est plutôt au début, dans la jeune histoire, dans l'histoire un peu turbulente des débuts de la création d'un système solaire que ça se produit, Philippe Hélareros. Si on essaie de raconter ça avec les mains, en quelque sorte, au début, il y a beaucoup de monde qui tourne autour de l'étoile, ça se bouscule beaucoup et il y a forcément des collisions, des fusion et des chocs qui envoient valdinguer un peu d'autres personnes. Et à mesure que le temps passe, tout ça se calme, il y a des planètes qui grossissent, donc qui aspirent de la matière, donc tous les astéroïdes, les petits planétoïdes, alors il y en a un paquet qui sont expulsés vers l'extérieur, d'autres qui forment des ceintures comme la ceinture d'astéroïdes ou la ceinture de Kuiper qui est au-delà de Neptune dans notre système solaire, mais il y en a des tas qui sont complètement éjectés, d'autres qui sont absorbés, et au bout d'un moment ça se nettoie tout ça, et chacun trouve sa place finalement, si on fait ça avec les mains, toujours sans faire de calcul gravitationnel, tout le monde trouve sa place, devient un peu plus stable éventuellement, et donc ça se calme. Ce qui veut dire que finalement, puisque ce sont les objets les plus légers qui sont éjectés, ça veut dire qu'il y a plein de planètes errantes qui sont des planètes telluriques et qu'on ne peut pas observer du tout parce qu'elles sont complètement obscures, qu'elles n'ont aucun rayonnement. Alors on n'a pas de contraintes directes là-dessus, mais c'est si jamais les Jupiter, les objets de 5 masses de Jupiter qu'on observe isolés sont effectivement des objets éjectés, ce dont personnellement je doute, mais on n'a pas encore moyen de trancher, à ce moment-là ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de planètes telluriques qui sont éjectées, parce que c'est beaucoup plus facile d'éjecter des planètes faibles masses que des planètes massives. Il y a je l'évoquais tout à l'heure au tout début de l'émission, il y a une hypothèse de David Nesvorny du Southwest Research Institute dans le Colorado pour qui il y aurait eu, notre système aurait éjecté une géante gazeuse au tout début. Ça explique, alors on avait fait une émission sur les débuts du système solaire, sur les différents modèles, le Grand Hack, le modèle de Nice, etc. Mais il y a une hypothèse selon laquelle il faudrait une cinquième géante gazeuse de type Neptune, plutôt de glace, pour expliquer aujourd'hui la structure de notre système solaire, pour expliquer notamment le fait que Vénus et la Terre ne soient pas percutées, ne soient pas autodétruites, Philippe Hélareros. Alors, vous savez, tout ça, ce sont des recherches qui se font à l'aide de modèles numériques. On fait tourner quand même des ordinateurs, on essaie de voir comment aujourd'hui on arrive au système solaire que nous avons. Donc il y a beaucoup de tâtonnements, et dans ces hypothèses-là, effectivement, il apparaît visiblement de manière raisonnable qu'une planète, je crois que c'est de la taille de la masse d'Uranus, c'est quand même une gazeuse intermédiaire, on va dire. Certains disent que c'est même pas des gazeuses, enfin bon, on va pas ouvrir ce débat là mais en tout cas voilà, une planète de en gros 15 fois la masse de la Terre qui aurait été éjectée et qui permettrait d'expliquer bien les positions et les tailles de toutes les planètes du système solaire aujourd'hui. Pourquoi pas, c'est une hypothèse tout à fait raisonnable. Philippe Delorme, vous dites que vous ne croyez pas que les planètes errantes de type 5 fois ou 7 fois la taille de Jupiter soient des planètes éjectées. Vous pensez que c'est un modèle moins probable que celui de naines brunes indépendantes ? Alors certaines d'entre elles peuvent l'être. C'est tout à fait possible qu'une petite fraction d'entre elles soient des planètes éjectées. Mais c'est tout le temps le problème qui 5 masses de Jupiter, ça fait partie des plus grosses planètes observées. C'est les plus faciles à trouver parce qu'elles sont très grosses, très massives. Et pourtant, on n'en a trouvé qu'une poignée. Il y a quelques pourcents des étoiles qui ont ces géantes à grande séparation. D'ailleurs, l'étoile Beta Pictoris, c'est un cas où il y a une planète d'une dizaine de fois la masse de Jupiter qui tourne dans un disque de formation de planètes. Donc en plus, elle, on sait que c'est très probable qu'elle se soit formée comme une planète. Donc ça existe, des planètes plus massives que quelques fois la masse de Jupiter. Mais c'est très peu courant. Donc des binaires, on en connaît. Il y a un système avec 4 de ces planètes massives. Donc là-dedans, il y en a 4 qu'on observe. Peut-être qu'il y en a eu 5. Dans le système solaire binaire, c'est-à-dire 2 étoiles. Non, c'est une étoile et quatre planètes. C'est un D'accord. système planétaire qui a été imagé, qui a le doux nom de HR 8799, et qui a quatre planètes avec des super Jupiters, donc qui ont des masses entre 5 et 12 fois la masse de Jupiter à peu près. Donc ça, c'est un système où il se pourrait avoir des éjections d'objets de masse de plusieurs fois la masse de Jupiter, ce type de système, mais ils sont rarissimes. Donc ils ne peuvent pas fournir une grande population de planètes flottantes. Alors que des planètes flottantes dans les zones de formation stellaire, on en observe. On en observe des dizaines. Et les zones de formation stellaire, on sait qu'elles sont jeunes. Donc on a cette contrainte de l'âge et on sait que c'est des planètes flottantes. Là. Question, avant d'étudier quelques cas concrets, parce qu'on en a observé et on va voir que là aussi, on a une grande, grande variété d'objets de masse planétaire. Est-ce que, puisque une planète peut être éjectée d'un système solaire, est-ce qu'un système solaire peut capturer, peut récupérer, peut réintégrer une planète qui la traverse ou qui peut, à un moment donné, rentrer dans l'attraction gravitationnelle d'une étoile, Philippe Delorme? Alors, c'est possible. Par contre, c'est encore quelque chose qui est très peu probable. Parce que les vitesses relatives entre les systèmes stellaires sont des vitesses qui vont des dizaines, voire même des centaines de kilomètres par seconde d'écart. Et c'est très dur pour une étoile d'attraper. Par contre, on a des cas d'astéroïdes intersidéraux. Un, l'an dernier, je crois, qu'on a détecté pour la première fois, qui n'est pas lié au système solaire, qu'on a vu passer relativement près de nous dans le système solaire. Voilà. Le joli nom qu'on lui a donné. Qui est plus joli qu'un matricule. C'est ça. Et ça, c'est typique d'un objet qui passe et qui ne reviendra jamais parce qu'il passe trop vite pour que le Soleil soit capable de l'accrocher. Quoi. Philippe Hénaréros. Oui, ce cas, on pensait ne jamais le voir, en fin de compte. Mais parce que c'est un objet très petit, là. Pour le compte, c'est un objet, je crois que c'est de l'ordre de 40 km de long. Il est un peu allongé, donc il a... C'est quelques centaines de mètres. Voilà. C'est vraiment un astéroïde. C'est vraiment un astéroïde. D'accord. Et donc, bon, on en a vu un. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. Et ça veut dire qu'il y a des échanges comme ça entre les, entre les systèmes planétaires. Alors, il ne faut pas s'emballer. Ça prend des millions d'années quand on voit... À quelle vitesse la sonde Voyager s'éloigne du système solaire et rentrera dans le prochain, effectivement. Mais on voit que finalement, on parlait tout à l'heure d'objets qui étaient à la limite entre les étoiles et les planètes par leur masse, mais il y a sans doute tout le spectre jusqu'aux plus petits astéroïdes qui sont sans doute beaucoup plus nombreux, des planètes Terre plus nombreuses que des Jupiter et des petits astéroïdes beaucoup plus nombreux encore que des planètes Terre. Donc, Oumuamua, c'est le premier, et maintenant qu'on l'a vu, je pense qu'on va essayer d'en voir d'autres. Suffer less. Wandering Star de Portishead à 16h35 sur France Culture, puisque c'est ce dont nous parlons, d'étoiles errantes, de planètes errantes, tout au long de cette heure, avec Philippe Delorme, qui est astronome à l'Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble, et avec Philippe Hénaréros, qui est rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, une fois qu'on a identifié ces objets de masse planétaire, donc ces planètes errantes, eh bien, ces objets, ils ont un avantage immense, c'est que comme ils sont éloignés de toute étoile, ils sont beaucoup plus faciles, comme Philippe Delorme l'évoquait tout à l'heure, à observer. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Observatoire de Paris PSL pour comprendre comment on étudie du coup l'atmosphère de ces planètes flottantes. Oui, c'est avec Benjamin Charnay, qui est chercheur au sein du laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, le LESIA, que je suis allé voir du côté de ces atmosphères de planètes flottantes. Benjamin Charnay, il utilise des modèles atmosphériques qui permettent de simuler la structure thermique de l'atmosphère, sa composition chimique et la formation de nuages sur les planètes flottantes, mais aussi sur les exoplanètes et les naines brunes. L'idée, c'est de calculer les spectres de ces objets pour pouvoir ensuite interpréter les observations qui en sont faites avec les instruments au sol ou dans l'espace. Avec toutes ces données, en plus de faire des découvertes sur les planètes flottantes, on peut aussi en apprendre sur les exoplanètes et les naines brunes. Pour un modèle d'atmosphère planétaire, on essaie de simuler un peu la globalité de l'atmosphère, de sa structure thermique, donc en fonction de l'altitude. Et pour ça, on prend en compte le mélange convectif qu'il y a dans l'atmosphère, qui permet de transporter de la chaleur, et également les échanges d'énergie par rayonnement. Donc dans le cas d'une planète flottante, donc elle n'orbite pas autour d'une étoile, donc elle n'est pas irradiée par une étoile, on doit prendre en compte la chaleur interne de cet objet, et en particulier l'énergie qu'elle avait pu avoir initialement après sa formation. Alors, est-ce qu'il y a des planètes flottantes en particulier autour desquelles vous travaillez? Si oui, comment vous les observez, ou en tout cas, comment vous les analysez? Alors oui, alors moi j'ai pu étudier l'une d'entre elles, donc qui s'appelle PSO J318. Donc on a pu l'observer avec Hubble et Spitzer, et donc on a pu obtenir des spectres assez précis de son atmosphère. Et donc moi, dans mon cas, l'objectif, c'était vraiment d'essayer de reproduire ces spectres avec le modèle atmosphérique, essayer de déterminer les différentes molécules qui sont présentes. Donc on observe en particulier du monoxyde de carbone, de la vapeur d'eau. Et l'autre point intéressant, c'est qu'on observe beaucoup de nuages sur ces objets, qui rendent donc l'atmosphère beaucoup plus opaque, et l'atmosphère apparaît plus rouge que ce qu'on aurait dans un cas sans nuages. Et alors en fait, ces planètes flottantes, elles nous servent d'excellents analogues d'exoplanètes géantes jeunes qu'on peut observer par imagerie directe. Donc ici au LESIA, on est impliqué en particulier sur l'instrument Sphère OVLT qui permet d'observer donc en imagerie directe des planètes autour d'étoiles jeunes pour lesquelles on masque l'étoile centrale et on utilise des techniques sophistiquées d'optique adaptative afin d'obtenir le meilleur signal de cette planète. Comment, parce que les planètes errantes, elles sont un petit peu le cul entre deux chaises, entre le statut d'exoplanète, le statut de naine brune, pourquoi elles ont un intérêt finalement pour vous, d'un point de vue scientifique? Alors, au niveau de l'intérêt, c'est vraiment, elles font le lien entre les naines brunes et les exoplanètes géantes jaunes. Donc quand on observe une planète flottante, on ne sait pas forcément si il s'agit en fait d'une petite naine brune, donc qui s'est formée comme une naine brune de façon isolée, ou s'il s'agit d'une exoplanète qui s'est formée dans le disque de formation autour d'une étoile et qui a ensuite été éjectée de ce système planétaire. On ne sait pas forcément donc s'il s'agit plutôt d'une petite naine brune ou d'une exoplanète, mais la physique de ces objets est vraiment similaire, et donc il s'agit d'excellents analogues de ce qu'on observe dans les systèmes planétaires jeunes. Et qu'est-ce qui en fait justement un excellent analogue? C'est l'absence d'étoiles justement? Voilà, c'est ça, c'est qu'on n'est pas embêté par le flux stellaire, et donc on peut obtenir des observations vraiment fines, à haute résolution, de l'atmosphère de ces planètes, pouvoir identifier les différentes molécules bien plus facilement que pour des exoplanètes géantes jeunes, et donc on obtient vraiment de bien meilleures informations sur leur composition atmosphérique, sur les nuages, voire même sur leur variabilité. Donc ça, c'est une chose qui est assez intéressante sur les naines brunes et ces exoplanètes flottantes, c'est qu'on observe de la variabilité qui est probablement due au fait que la couverture nuageuse est inhomogène. Donc peut-être on observe soit des trous dans la couverture nuageuse ou des gros nuages à certains endroits. Et du fait de la rotation de la planète, on observe une variabilité donc périodique, donc comme on observerait sur Jupiter avec la grande tache rouge lorsqu'elle tourne. Alors, l'une des grandes surprises qui a été avec l'observation à la fois des exoplanètes géantes jeunes et des exoplanètes par transit, ça a été de découvrir qu'elles sont pour la plupart couvertes de nuages. Et donc on pourrait penser que c'est pas une grande surprise qu'on observe des nuages sur quasiment toutes les planètes du système solaire qui ont une atmosphère, mais on ne s'attendait pas à avoir autant de nuages pour des atmosphères chaudes, pour lesquelles donc la plupart des éléments devraient être sous forme gazeuse. Et on observe ces épais nuages qui sont, dans le cas d'exoplanètes géantes jeunes, probablement formés de silicates ou de fer. Pour les exoplanètes chaudes en transit, il y a probablement d'autres types de nuages, de sulfate de zinc ou d'autres choses. Et en fait, ces nuages rendent les observations très difficiles, ce qui masque les bandes d'absorption moléculaire et donc limite notre capacité à pouvoir mesurer la composition chimique des atmosphères. Donc c'est un grand sujet maintenant d'être capable d'identifier les nuages qui se forment dans les atmosphères d'exoplanètes et également de planètes flottantes pour pouvoir mieux interpréter les observations et pouvoir mieux déterminer quelle est la composition chimique de ces atmosphères. Alors, quelles sont les pistes, justement, pour percer à jour la nature de ces nuages? Quelles sont les pistes de recherche et de développement technologique, justement, pour faire une carte d'identité de ces nuages qui nous permettrait de dresser un portrait plus fidèle de ces planètes? La meilleure voie, en fait, c'est de regarder dans l'infrarouge, à plus grande longueur d'onde, parce que dans ce cas-ci, à la fois, les molécules, généralement, absorbent plus efficacement, et les nuages sont optiquement plus fins. Ils absorbent moins de rayonnement à grande longueur d'onde. Et alors, grâce avec le James Webb Space Telescope, on va pouvoir regarder les atmosphères d'exoplanètes et d'exoplanètes flottantes à des plus grandes longueurs d'onde, donc entre 10 et 20 microns. Et dans ce cas-ci, on sera beaucoup moins gêné par la présence de ces nuages et on pourra plus finement mesurer les abondances moléculaires dans les atmosphères. Voilà le reportage sur la composition de l'atmosphère de l'une de ces planètes flottantes, de l'un de ces objets de masse planétaire. Peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre, Philippe Delorme, sur l'étude de l'atmosphère. C'est assez surprenant de se dire que qu'un objet planétaire comme ça, sans soleil, au milieu de l'espace interstellaire, puisse avoir une atmosphère là où des planètes qui gravitent autour du soleil n'en ont plus. Ben déjà, ce sont des objets massifs, plus massifs que Jupiter. Jupiter est composé uniquement de gaz, c'est presque uniquement une atmosphère, Jupiter. Et l'étude de l'atmosphère de ces objets, ça permet de comprendre la chimie, donc les molécules. D'ailleurs, on observe donc de la vapeur d'eau, du méthane, du monoxyde de carbone dans l'atmosphère de ces objets grâce à la spectroscopie. Et c'est ça qui nous permet de les étudier. Philippe Henaeros, sur le reportage, sur l'étude de l'atmosphère. Moi, ça m'ouvre l'imagination, en fait. J'ai envie de voir ces mondes-là. Finalement, on en parlait tout à l'heure hors antenne, il y a très peu d'œuvres de science-fiction qui utilisent ces mondes sans soleil, mais il faut imaginer que, comme ils ont quand même une petite source de chaleur interne, il y a des mouvements, il doit y avoir une météo, il y a peut-être des orages, c'est des bons endroits où on pourrait observer le ciel, finalement, puisque il n'y a pas de soleil dans le ciel, il n'y a pas de ciel bleu clair, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Donc, imaginons, allons très loin, une forme de vie sur une de ces planètes flottantes ou sur un de ces satellites. Oui, parce qu'il peut y avoir des lunes par ailleurs, c'est ce qu'on disait. Ça serait une culture totalement différente de la nôtre, avec des lunes noires, des étoiles, une voie lactée qui serait omniprésente et puis pas de soleil. La conquête intellectuelle de l'univers à partir d'un monde comme ça serait radicalement différente de celle que nous avons connue. Philippe Delorme qui signalait qu'il y a, rupture dans le réel, un livre de Peter Hamilton qui commence sur une naine brune. Oui, c'est assez amusant, surtout que c'est un livre qui a été écrit à l'époque où je ne sais même pas 96, si on avait, donc non, déjà, non, on en avait pas aussi la première naine brune, c'est 95. Oui. D'accord, c'est ça. Donc il a dû voir l'actualité scientifique, l'auteur, et se dire c'est un bon pitch, ça a dû le fasciner, et c'est vrai que c'est assez... Ou alors c'est un voyageur temporel qui vient d'écouter Philippe Henaeros et qui retournait dans le passé, bon ça c'est autre chose. Non, plus sérieusement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'effectivement, comme il n'y a aucune source de chaleur, ce sont des astres qui sont exclusivement chauffés de l'intérieur, qui sont chauffés par le noyau, par le cœur. Alors est-ce qu'il faut parler de cœur, de noyau, puisque quand, dans le cas d'une naine brune, on est quand même sur un processus stellaire, dans le cas d'une planète expulsée, c'est un processus planétaire. Donc dans le cas d'une naine brune, on n'a pas a priori de cœur rocheux, solide, c'est de l'atmosphère de plus en plus dense au fur et à mesure qu'on s'enfonce. cette atmosphère a stocké une chaleur et elle la restitue au fur et à mesure du temps. C'est ça la source de lumière et la cause de la chaleur de l'atmosphère, ces objets. Dans le cas d'une planète éjectée, là c'est différent parce que les planètes dans les disques autour d'étoiles, la façon dont on pense qu'elles se forment, les planètes géantes, c'est par accrétion d'un cœur rocheux et de glace massif qui fait 15-20 fois la masse de la Terre. Et ensuite, lorsque la masse est suffisante, ce cœur va commencer à aspirer le gaz du disque et à grandir exponentiellement en masse, jusqu'à faire la masse de Jupiter, par exemple, fait 318 fois la masse de la Terre, donc essentiellement de l'atmosphère et un peu de cœur. Mmh. Et c'est très dur de déterminer la présence d'un cœur. Par exemple, sur Jupiter, on sait qu'il y en a un, mais on n'est pas capable de dire s'il fait 5 fois la masse de la Terre ou 25 fois la masse de la Terre. Alors qu'on a des sondes qui tournent autour de Jupiter. Donc, pour un objet qui a des dizaines d'années-lumière, c'est une question qui est très difficile à trancher. Parenthèse sur Jupiter, il y a une sonde actuellement qui est en orbite autour de Jupiter qui s'appelle Juno. Mm-hmm. Malheureusement, son orbite n'est pas celle qu'elle aurait dû, mais dont la mission était justement de sonder l'intérieur de Jupiter, parce qu'on a beau connaître bien cette planète, on la voit avec un télescope amateur, l'intérieur, on ne connaît toujours pas, on a des modèles, oui, mais il faut les vérifier. On va vous remettre le lien vers l'émission que nous avions consacrée justement à cette mission Juno et à Jupiter. Un mot encore sur l'analyse spectrographique, peut-être. Vous disiez tout à l'heure, Philippe Delorme, qu'on connaissait la composition, qu'on trouvait de la vapeur d'eau, du méthane, du monoxyde de carbone, de l'ammoniac, mais la composition de l'atmosphère de ces planètes errantes est la même en fonction qu'il s'agisse d'une naine brune ou d'une planète expulsée, ou est-ce qu'on sait faire la différence? Est-ce qu'on sait identifier la différence? Parce qu'on imagine que comme les processus de formation ne sont pas les mêmes, ça ne donne pas à la constitution des mêmes éléments chimiques. Donc on attend en théorie une différence, un enrichissement en éléments lourds du cœur de ces objets, quand ce sont des planètes, qui se diffusent dans l'atmosphère et qui causent des rapports d'éléments un peu différents de ceux qu'on attend lorsque c'est une étoile. Donc une étoile de masse planétaire qui s'est formée uniquement à partir de gaz. Le problème, c'est que notre façon de déterminer la présence d'éléments chimiques, c'est très facile de dire il y a cet élément-là. Après, on détermine l'abondance dans son atmosphère et les abondances relatives entre différents éléments. C'est quelque chose qui est très dur, qui dépend de la précision des modèles que Benjamin Charnay crée. Et le problème, c'est que ces modèles ne sont pas encore assez précis, assez performants pour nous permettre d'être sûr qu'on a vraiment détecté quelque chose. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre nos observations dans les modèles et d'en ressortir un chiffre, dire il y a telle abondance, il y a telle abondance, mais on n'est pas encore capable d'avoir confiance dans ces chiffres. Peut-être, prenons quelques exemples concrets. On en a observé une il y a assez peu de temps, qui est aujourd'hui très très observée, vers laquelle on a braqué un certain nombre de télescopes, parce qu'elle est juste, mais vraiment tout juste à côté de nous. Elle est dans notre très très proche voisinage interstellaire. C'est WISE 0855. Peut-être, Philippe Hénaréros, vous pouvez nous dire un mot de cet objet de masse planétaire. Est-ce que c'est une naine brune? Est-ce que c'est une planète expulsée? Alors, elle a été découverte, je crois, en 2013. La découverte a été annoncée en 2014, donc c'est quand même très récent. C'est très récent parce que ce corps est froid, sans doute très ancien, donc il rayonne très peu. En fait, il est très proche, 7 années-lumière et demie. Je crois que c'est le quatrième ou le cinquième système planétaire le plus proche du Soleil. Donc, c'est vraiment la porte à côté. Et a priori, d'après ce que j'ai lu, il y a quand même une incertitude sur la masse qui va de 3 à 10 fois la masse de Jupiter. Mais du fait de sa proximité, on peut quand même espérer dans les années à venir en savoir un peu plus, notamment après 2020 ou 2021. Enfin, je n'ose plus avancer de date parce qu'il s'agit du lancement du James Webb télescope qui aura un miroir de 6 mètres 50, mais qui regardera spécifiquement dans l'infrarouge depuis l'espace. Donc c'est un télescope très puissant, bien équipé en instrumentation. Et du coup, qui va être très très performant pour ces planètes errantes. Et donc c'est une cible de choix pour ce télescope-là, qui va sans doute pouvoir faire des spectres, intégrer sa lumière longtemps, en tout cas, comme le fait Hubble sur d'autres astres, et en savoir un peu plus. Philippe Delorme, qu'est-ce qu'on sait de cette WISE 0855? Ben, on ne sait pas grand-chose parce que c'est un objet qui est à la limite des capacités de nos instruments. D'ailleurs, la seule raison pour laquelle on a pu le détecter, c'est qu'il est extrêmement proche de nous. Il aurait été juste une année-lumière ou deux plus loin, on n'aurait pas pu le voir. Et par contre, vu qu'on mesure son flux lumineux Et qu'on connaisse sa distance, ça on a pu la mesurer dans l'infrarouge. Mmh. On a une contrainte sur sa température et c'est un objet qui est plus froid que la Terre en fait. Il fait moins de 300 Kelvin, donc c'est, je crois que sa température c'est autour de moins 20 degrés Celsius, quelque chose comme ça. C'est pas contraint parfaitement, mais on sait que c'est plus froid que la Terre. Et donc c'est une planète géante isolée. De quelques fois la masse de Jupiter, l'incertitude, elle vient qu'on ne connaît pas son âge, encore une fois. Il n'est pas associé à un mouvement connu, à un groupe connu, et qui a une température même plus froide que celle de la Terre. Et donc, mais on ne peut pas discriminer entre naine brune et planète expulsée ? Pas pour le moment. Et en plus, sur la température, c'est quand même plus chaud que Jupiter, au passage. Oui, finalement. C'est quand même plus chaud que Jupiter. Jupiter est moins massif que cet objet-là, et il a 5 milliards d'années, donc il s'est refroidi jusqu'à 100 Kelvin, donc moins 173 degrés Celsius à peu près. Est-ce qu'on, quels autres, il y a vraiment un bestiaire, j'ai envie de dire, très très vaste. J'ai vu qu'on a observé une double planète flottante. Alors les noms sont toujours sont des immatriculations. Hein, c'est deux masses J111 93 254 et 113 74 66 AB. Ça veut dire qu'il peut y avoir des objets doubles. Alors ça, c'est quelque chose qui va tout à fait dans le scénario le plus classique, c'est la formation stellaire. Les étoiles sont assez souvent formées en systèmes multiples, deux étoiles ensemble, trois étoiles, quatre étoiles, même six dans certains cas. Donc si on forme les planètes errantes comme des étoiles, eh bien des planètes errantes binaires, ça n'a rien d'étonnant. Oui, il va y avoir tout le bestiaire, tout ce qu'on peut imaginer comme combinaison finalement va arriver. Des grosses planètes avec des toutes petites, des planètes binaires qui seront vraiment avec deux astres de même masse, de même taille. Certains seront très rapprochés, d'autres auront des orbites très très longues, très très lentes. Bref, tout ce qu'on voit dans les systèmes d'étoiles doubles, triples ou multiples va se reproduire sur ces objets-là. Et encore une fois, oui, c'est vrai, c'est un indice que leur formation est quand même assez similaire à celle des étoiles. C'est juste la masse qui les différencie. Un mot tout de même sur WISE 0855, parce que ça a été effectivement pas mal observé. On sait qu'il y a également des nuages d'eau. A priori. Alors, on n'a pas de spectroscopie encore de cet objet parce qu'il est trop faible. Par contre, à ces températures-là, on s'attend, typiquement les modèles dont Benjamin a parlé, on s'attend à ce qu'il y ait des nuages d'eau, de glace d'eau. C'est là une température. L'eau, c'est un élément extrêmement abondant dans l'univers. C'est uniquement sous sa forme liquide qu'il est rare. Dans les naines brunes et les planètes plus chaudes, elle est sous forme de vapeur d'eau. C'est un des éléments dominants dans le spectre de l'objet, ce qui marque le plus. Et pour cet objet qui est très froid, c'est plus de la vapeur d'eau, c'est de la glace probablement. Donc des nuages de glace d'eau. Il y a une autre, alors là aussi c'est vraiment des immatriculations impossibles, il y a une autre planète errante que l'on connaît bien, c'est CFBD SIR 2149. Quel doux nom. Dites-nous en un nom, parce que c'est assez intéressant. Là aussi, je lisais en préparant cette émission qu'il est impossible de trancher sur la nature, que c'est peut-être une planète solitaire, une planète expulsée, peut-être un type rare de naine brune, ou peut-être une combinaison des deux. C'est quoi une combinaison des deux? Alors, CFBD SIR 2149, c'est un objet qui me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai découvert durant ma thèse. Et c'est un objet qui est intéressant parce que son spectre présente de nombreux, donc son spectre quand on décompose la lumière comme un arc-en-ciel, hein, présente des indices que il serait de faible masse, que cet objet aurait une faible masse. Donc le spectre peut donner des indices sur la masse parce que la masse de l'objet influe la gravité dans l'atmosphère, la force de gravité, et la force de gravité influe la pression, et la pression des molécules de l'atmosphère qui s'entrechoquent impacte le spectre. C'est quelque chose qui est très indirect, donc qui est très imprécis comme contrainte. Mais ce qu'il y avait d'intéressant en 2012 sur cet objet, quand on l'a découvert, c'est qu'avec les mesures de vitesse apparente qu'on avait, il avait une forte probabilité d'être associé à un groupe mouvant jeune qui avait une centaine de millions d'années. Et donc, on a une contrainte complètement indépendante qui n'a rien à voir sur son âge. Donc, il y avait un objet qui avait des indices spectraux d'âge jeune et qui sera associé avec une association jeune aussi. Donc ça aurait été un moyen clair d'identifier une planète errante. Donc, on a continué à l'étudier parce qu'il est très intéressant. C'est soit une naine brune spéciale, soit un objet, soit une planète errante. Et le problème, en quelque sorte, c'est qu'en obtenant des données de meilleure qualité, notamment en mesurant précisément sa distance et moins précisément sa vitesse radiale, donc la vitesse à laquelle il s'éloigne ou se rapproche de nous, on a vu que l'association avec le mouvement commun avec l'association jeune était en fait ne tenait plus avec ces nouvelles données. Et donc la contrainte indépendante sur l'âge a sauté. Par contre, on a eu beaucoup d'heures de télescope sur les télescopes de 8 mètres au Chili, les VLT, pour caractériser l'atmosphère par spectroscopie de cet objet. On a pu faire une étude beaucoup plus détaillée qui montre que les indices de faible gravité, donc de faible masse, sont bien présents dans l'atmosphère. Et donc, c'est pas, on n'a pas d'indice que ce soit une planète éjectée particulièrement. Par contre, l'analyse de son atmosphère laisse penser qu'il a probablement une masse planétaire. Par contre, il est aussi possible que ce soit un objet avec une chimie particulière, beaucoup plus de métaux lourds que le Soleil. Et ça, ça peut lui donner une masse un peu plus élevée et ses caractéristiques un peu bizarres dans son spectre. Et cette haute teneur en métallicité, comment est-ce que ça pourrait permettre justement de discriminer la nature de cet objet, ou est-ce que c'est un indice encore insuffisant? Non, parce que les planètes, les vraies planètes sont en général enrichies en éléments lourds par rapport à leur étoile, mais il faut savoir que les étoiles dans la galaxie n'ont pas la même quantité d'éléments lourds. Ça dépend de l'environnement local dans lequel elles sont nées. Leur nuage peut avoir été ensemencé par des supernovas locales, par des choses comme ça qui vont leur donner plus d'éléments lourds. Donc ça peut être aussi un objet qui s'est formé comme une étoile à un endroit particulièrement enrichi en métaux lourds. Cela dit, vu que l'enrichissement en métaux de la galaxie augmente avec le temps, parce qu'il y a de plus en plus de supernovas au fur et à mesure du temps... Parce que les métaux, on peut rappeler que dans la nucléosynthèse, c'est ce qui arrive à la fin de l'explosion d'une étoile, à la fin de l'effondrement gravitationnel avant l'explosion en supernova. Oui, les éléments lourds sont formés dans les étoiles, dans l'usine de fusion nucléaire. Et donc, le fait que ce soit un objet à forte métallicité, c'est aussi un indice qu'il soit relativement jeune, parce que c'est très difficile de former, il y a longtemps, des objets enrichis en métaux. Et peut-être, alors je ne sais pas, un dernier mot sur une naine brune qui, elle, a été recaractérisée en planète errante, qui s'appelle SIMP-0136. Est-ce que vous... Alors SIMP-0136, je ne sais pas si on a des contraintes sur sa masse qui permet de la faire passer en planète errante. Par contre, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a une variabilité. Sa lumière varie assez fortement, d'une vingtaine de pourcents. Et ça, c'est la trace de tempêtes, de taches un peu comme celle de Jupiter, probablement, à sa surface. Et en plus, cette variabilité elle-même est variable. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez particulier, c'est-à-dire que ces tempêtes changent au fur et à mesure des jours et des semaines, évoluent, sont dynamiques. Quoi. C'est une météo dynamique sur ce qui est, je crois, plutôt une naine brune qu'une planète errante. Mais... J'ai lu que ça avait été sa nature avait été changée. En tout cas, elle est dans une association stellaire, donc on peut la dater aux alentours de 200 millions d'années. Oui, c'est fort possible. Et puis, si elle a 200 millions d'années, elle doit être comme une planète massive, effectivement, en masse. Bon, enfin, il y a tout un bestiaire, encore une fois. On va vous mettre un certain nombre de liens. On arrive dans les dernières minutes de cette émission. Je voudrais, Philippe Hénaréros, tant que je vous tiens, dire un petit mot, parce que nous, ce week-end, on va partir aux Utopiales. On y sera d'ailleurs vendredi toute la journée. Vous êtes les bienvenus au Palais des Congrès, au Centre des Congrès de Nantes. On fera une émission en direct de 16h à 17h autour du corps cybernétique, puisque le corps, c'est le sujet, le thème de des Utopiales de cette année, donc on va parler de cyborg, de cybernétique, de cyberpunk, et puis on enregistrera après une émission avec l'écrivain britannique de science-fiction, alors il n'aime pas le terme science-fiction, mais un écrivain qui personnellement me passionne, qui s'appelle Christopher Priest, donc bienvenue au Centre des Congrès à Nantes, mais ce week-end, il y a aussi les rencontres du ciel et de l'espace, Philippe. Oui, tous les deux ans, la grande famille des astronomes amateurs, mais aussi des passionnés d'astronomie et d'exploration spatiale, se retrouve à la Cité des Sciences et de l'Industrie, à Paris, au Centre des Congrès. Alors là, il y a des dizaines de conférences, tous les spécialistes viennent parler de tous les sujets à la mode et brûlants en astrophysique et en espace. Et il y a aussi la possibilité d'aller voir évidemment du matériel d'astronomie et aussi d'échanger des expériences avec des astronomes amateurs qui sont vraiment très, très intéressants et très calés dans la matière. Et vous y serez pour des conférences, vous ? Oui, alors moi je donne une conférence sur, je vous raconterai l'histoire d'Apollo 8 qui, il y a 50 ans, a envoyé les premiers hommes voir la face cachée de la Lune. Et oui, puisque l'histoire d'Apollo, c'est ce que vous racontez également dans votre livre d'édition Belin, Ils l'ont marché sur la Lune. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de ces planètes errantes. Je vous rappelle que les rencontres du ciel et de l'espace, c'est le 1er, 2 et 3 novembre à la Cité des Sciences et de l'Industrie Paris 19, et puis la méthode scientifique, je vous le redis, aux Utopiales de Nantes. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Minaguet Saint-Vulfran, Tom Hümdenstock, Jenab Sangara à la réalisation et Bruno Gagnère Fontani à la technique. Un mot pour vous dire que dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, nous nous intéresserons à une quasi-particule pleine de promesses, notamment dans les domaines de l'informatique, de l'éclairage et du photovoltaïque. On remonte les manches et on va parler de l'exciton demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.